mes larmes surmonter toutes mes peurs. Je n'avais qu'une seule larme, les petits battements de mon cœur. Je me suis fié au hasard, ça tombe bien, ça redémarre. J'ai pas pu trouver la bonne combine pour éviter toutes les pralines. J'ai mis sa parole en doute, pourtant je sais ce que ça coûte. J'ai pas voulu suivre le troupeau. Moi je veux juste sauver ma peau. Oui, c'est la même mélodie. Cette fois le doute n'est plus permis. Tu vois, ça t'ouvre l'appétit, ça te détend, ça te met en vie. Oui, c'est la même mélodie. Cette fois le doute n'est plus permis. Tu vois, je suis encore en vie. J'ai toujours de l'appétit. Je me suis dit là, ça suffit. Débarrasse-toi de toutes tes manies. Mets-toi à nu, reste sans fin. Reste pas planté sur le quai de la gare. Un coup tu passes, un coup t'es cuit. Non, il n'existe pas le paradis quand tout se seront enfuis. Tu chercheras tous tes amis. C'est la même mélodie. Cette fois le doute n'est plus permis. Tu vois, ça t'ouvre l'appétit, ça te détend, ça te... Je suis encore en vie et j'ai toujours de l'appétit. Toujours de l'appétit.